Si vous voyez ou entendez un verbe avec « ie », hein, « i-e », et que vous ne connaissez pas le verbe, normalement, vous pouvez déduire qu'à l'infinitif, il y aura un « e » au lieu d'un « ie ». Par exemple, vous savez que je veux se dire quiero. Quiero. Et vous, hein, usted, hein, vous voulez, ou il ou elle veut, c'est quiere. Quiere. Il ou elle veulent, ou vous, dans le sens de ustedes, hein, vous voulez quieren. Quieren. Tu veux quieres. Quieres. Bien. Donc, vous avez toutes ces formes avec IE, hein, IE, mais je ne vous ai jamais donné le verbe vouloir. Pouvez-vous le deviner? Quieren, quieres, querer. Encore? Querer. Querer, hein, c'est ça, tout à fait. Querer. Querer, c'est vouloir. Et donc, maintenant, vous savez aussi dire nous voulons. Queremos. Queremos, hein? Exactement. Queremos. Il se passe la même chose avec les verbes qui ont un O à l'infinitif. Quand au présent, on insiste sur le O, hein? Le O, sous la pression, cède et se scinde en deux. Il devient UE. U-E. Ce qui veut dire que si vous voyez ou entendez un verbe qui contient UE, UE, vous pouvez en deviner l'infinitif. Par exemple, je peux se dit puedo. Puedo, exactement. On a U, E, oui, hein? Puedo. Et vous pouvez, dans le sens de usted, hein, ou bien il ou elle peut, c'est puede. Puede, c'est bien ça. Et il ou elle peuvent, ou vous, dans le sens de ustedes, pouvez. Pueden. Pueden. Et tu peux? Puedes. Puedes. Donc, à partir de ces formes en UE, est-ce que vous pouvez déduire comment on dit pouvoir? Le verbe pouvoir, c'est? Alors, poder. Poder. Hein? C'est bien ça. Poder. Donc, vous voyez bien que, dans ces cas-là, le O accentué à l'oral devient UE. Hein? Oué, comme dans puedo, puedes, puede, pueden. Mais le verbe pouvoir, donc l'infinitif, est poder. Et maintenant, vous devriez savoir dire nous pouvons. Podemos. Podemos. Hein? Oui, c'est ça, hein? Du verbe poder. Et c'est exactement comme en français. On emploie le même mot pour le verbe et le nom. Poder, c'est le verbe, pouvoir. Et el poder, c'est le pouvoir. Et le verbe trouver, c'est penser à rencontrer en... Encontrar. C'est ça, hein? Encontrar. Encontrar. Et alors, comment direz-vous je trouve. Encuentro. Tout à fait. Encuentro. Donc, on part de encontrar, on insiste sur le O qui, sous la pression, devient UE. Encuentro. Alors, si vous avez perdu votre livre, par exemple, et que vous voulez dire je ne le trouve pas, comment diriez-vous ça? No lo encuentro. C'est ça. No lo encuentro. De la même manière, comment direz-vous je le trouve intéressant? Lo encuentro interesante. Oui, lo encuentro interesante. Et est-ce que tu le trouves intéressant? Lo encuentras interesante. C'est ça, hein? Encuentras. Lo encuentras interesante. Se souvenir, se rappeler, c'est recordar. Alors, je me souviens, ça sera. Mais. Attention, à la différence du français, en espagnol, ce n'est pas un verbe avec « m'étais-c ». Ce n'est pas « je me souviens », mais d'une certaine manière « je souviens hein? ». Ça le « me ». Recuerdo. D'accord. Hein? Recuerdo. Recuerdo. Revenir, en espagnol, se dit « volver ». V-O-L-V-E-R. Volver. Volver, c'est revenir, retourner. Volver. Alors, je reviens bientôt, c'est... Vuelvo. C'est ça, hein? Vuelvo. Et bientôt... Pronto. D'accord, hein? Vuelvo, vuelvo pronto. Je reviens bientôt. À quelle heure revenez-vous? Vous posez la question à usted. À qué hora vuelvo? Ça c'est à quelle heure est-ce que je reviens? Ah oui, vuelve. C'est ça. À qué hora vuelve? Et quand est-ce que vous revenez? Vous posez la question à ustedes. Cuando vuelven? C'est ça, hein? Cuando vuelven. Et quand est-ce que tu reviens? Cuando vuelvas? Vuelves? C'est ça, hein? Cuando vuelves, hein? C'est un verbe en R, hein? Volver. Et nous revenons bientôt. Volvemos. C'est ça, volvemos. Pronto. Volvemos pronto. D'accord. Volvemos pronto. Pour dire revenir, vous pouvez aussi dire regresar. Revenir, retourner, qui vous fera sans doute penser au verbe français regresser. Mais volver est plus courant. Donc, nous avons vu toute une série de verbes dont le e ou le o deviennent respectivement ie, ie, et ue. U, E, quand ils sont accentués à l'oral.